إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 27 aujourd'hui dans l'explication de la aqida des deux Razi, Abu Hatim et Abu Zur'a al-Razi. Juste pour mentionner comme ça, parce qu'on l'a déjà fait au début dans le premier cours, mais juste pour rappeler en même temps que Abu Hatim al-Razi, c'est un des grands imams des salafs, ainsi que Abu Zur'a. Et Abu Hatim est décédé en l'an 277 après la Hijra, et l'imam Abu Zur'a, il est mort en l'an 264 après la Hijra. Et comme on sait, ce sont deux imams parmi les grands imams du hadith et de la sunna. Des contemporains de l'époque de l'imam Ahmed ibn Hanbal, des grands ulama. On est rendu dans le livre au point numéro 29. Le point numéro 29 est c'est à propos, ou c'est plutôt une réfutation, ce point-là dans lequel ici il mentionne, il parle de la réfutation des Jahmiyyah. C'est-à-dire ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui croient que ou qui disent que le Coran est créé. Donc les deux imams ont dit man za'ama anna al-Qur'an makhluqun fa huwa kafirun billahi al-'azim kufran yanqulu 'an al-millah. C'est-à-dire que quiconque croit ou pense que le Coran est créé, alors il est kafir, c'est-à-dire il a rejeté la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, le très grand, et sa mécréance est de la catégorie de la mécréance qui fait que quelqu'un quitte ou sort de la religion complètement. C'est-à-dire, s'il a cette idée que le Coran est créé, il est kafir. Parce que le Coran, comme on l'a expliqué déjà dans les cours précédents, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une de ses attributs. Et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas créés parce que rien d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est créé. Naam. Donc on a parlé de ça dans les cours précédents. Juste pour vous dire, on avait mentionné que les deux imams au début, ils ont dit Al-Qur'an kalamullah ghayru makhluq. Et ça c'était à la page 21. C'est parmi les points qu'on a expliqués au tout début du livre, dans le cours numéro 6. Al-Qur'an kalamullah ghayru makhluqin bi jami'i jihatihi. Donc ça c'est quelque chose qu'on a expliqué en détail. Mais le cheikh, les deux imams, ils y reviennent ici parce que au dernier cours on a parlé des Jahmiyya et des Khawarij et des Rafida. Donc il revient avec ce point-là encore. Et Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, c'est un des ulama contemporains, et c'est lui qui a fait l'explication de la aqida de ces deux imams dans ce livre. Donc il va faire maintenant l'explication et le commentaire de ce sujet-là. Donc il dit dans l'explication, من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر لأنه كذب كذب الله تبارك وتعالى وخالف الأنبياء الأنبياء يعلمون أن الله يتكلم يؤمنون بأن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء. Donc le cheikh il dit que quiconque pense que le Coran est créé alors il est kafir. Et on a expliqué dans les cours précédents, lorsqu'on a parlé des Jahmiyyah, que plus que 550 parmi les imams des salafs ont clarifié et décrété la mécréance des Jahmiyyah, des Jahmiyyah, c'est-à-dire ceux qui nient les attributs d'Allah et les noms d'Allah. Ils ont tous dit, celui qui dit que la parole d'Allah, celui qui dit que le Coran est créé, alors il est kafir. Il y en a plus que 550 imams parmi les imams des salafs ont décrété ce point-là et cette position-là et ce jugement-là à propos des Jahmiyyah. Donc ça c'est deux d'entre les imams qui ont dit ça, l'imam Abu Hatim et l'imam Abu Zur'a. Ils expliquent que pourquoi Cheikh Rabi dit pourquoi celui qui dit que le Coran est créé est kafir, c'est parce qu'il a démenti Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il mentionne que le Coran c'est sa parole. Hatta yasma'u kalam Allah. Il mentionne donc que ce Coran c'est sa parole. لأنه كذب الله تبارك وتعالى وخالف الأنبياء. Il a contredit les prophètes. Et les prophètes savent que Allah parle. Et ils croient que Allah subhanahu wa ta'ala parle quand il veut et comme il veut. Il dit فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى والله يتكلم. Donc le Coran c'est la parole d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala il parle. Et ça c'est yani très clair dans le Coran. Déjà que le Coran est la parole d'Allah, ça c'est clair. Et le Coran n'est pas la seule parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala parle comme il veut, quand il veut, et il a parlé à d'autres prophètes avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé à Moussa alayhi salam, et yani il a d'autres paroles, d'autres révélations autres que le Coran auparavant. Donc c'est clair que Allah subhanahu wa ta'ala parle, il n'y a pas de doute à ce sujet là takallama fil azal wa yatakallamu fil abad. Allah subhanahu wa ta'ala éternellement dans le passé il a toujours parlé, il a toujours eu la capacité et l'attribut de la parole. Et il va éternellement parler également dans l'avenir. Et il mentionne le verset 109 dans Sourate Al-Kahf, qui mentionne justement le verset « قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرَ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. » Dit, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne se soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même nous lui apporterions son équivalent en renfort. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, et ça c'est pour prouver que les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala sont infinies. Allah subhanahu wa ta'ala, même si, comme il dit, il prenait l'océan comme encre, eh bien ça ne pourrait pas finir, ça serait fini avant, l'encre serait épuisée avant que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala s'épuise. Il dit également ensuite dans un autre verset, verset 6 dans sourate At-Tawba, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si un d'entre les mushrikines te demande ta protection, alors donne-lui ta protection jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Donc ça c'est quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire le Coran. Jusqu'à ce qu'il entende le Coran. Donc si à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un des mushrikines passait à travers les pays musulmans et puis il demandait yani, de passer avec sa protection, en voulant dire je te demande la permission de passer, hein, et je veux pas que aucun d'entre les musulmans ne me touche ou ne me fasse un mal pendant que je suis parmi vous. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans ce cas là donne lui ta protection, et jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ, puis aide-le à parvenir à l'endroit où il veut aller en toute sécurité. Hein? Donc c'est pour dire que jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, c'est-à-dire que pendant qu'il va être parmi les musulmans, fais-lui entendre le Coran, fais-lui entendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la preuve que le Coran c'est la parole d'Allah. Hein? Kalamullah. Ma qala makhluqullah. Hein? Kalamullah. Allahu takallama bihi. Il a dit la parole d'Allah. Il n'a pas dit la création d'Allah. Il a dit la parole d'Allah. Donc Allah, c'est lui qui l'a prononcé cette parole. Et c'est lui qui a parlé, hein, cette parole. Allahu yatakallamu mata sha' wa idha sha'. Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole, c'est une des paroles, sa parole, c'est une de ses attributs d'action. C'est une des attributs de son action. C'est-à-dire qu'elle est reliée à sa volonté. Et quand il veut parler, il parle. Hein? Et donc, il parle quand il veut. Et il dit, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut quelque chose, il n'a qu'à lui dire soit et elle est. Il n'a qu'à lui dire soit et elle est. C'est le verset 82 dans Surat Yassin. Donc le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit fal Coran kalamuhu wal Coran ilmuhu. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm ma laka min Allah min waliy wala nasir. Il dit également que le Coran fait partie de la science d'Allah. Le Coran fait partie de la parole d'Allah, c'est la parole d'Allah, et aussi fait partie de la science d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset dans Surat al-Baqarah, le verset 120. Et si tu suivais leur passion après que t'es parvenu, hein, après ce qui t'est parvenu de la science, alors tu n'aurais aucun protecteur ni défenseur yani, pour te protéger contre Allah. Donc c'est pour dire que le Coran, ça fait partie de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la science d'Allah n'est pas créée, de même que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas créée. Il dit فالذي يقول القرآن مخلوق كذب الآيات التي نصت على أن القرآن كلام الله وأنه تنزيل من الله وأنه وحي من الله تبارك وتعالى تنزيل من حكيم حميد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Donc le cheikh il dit, celui qui dit que le Coran est créé, il a démenti les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a textuellement mentionné que c'est sa parole et que c'est quelque chose qui est descendu d'Allah et qui est révélé de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 42 dans sourate Fussilat que c'est descendu de la part d'un sage digne de louange. C'est une révélation d'un sage digne de louange. Dans un autre verset, il dit, nous faisons descendre du Coran ce dans quoi il y a une guérison et une miséricorde pour les croyants, et il ne fait augmenter les injustes qu'en perdition. Verset 82 dans Surat al-Isra. Le verset ensuite, 21 dans Surat al-Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si nous faisions descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu se pulvériser, se pulvériser et s'humilier par crainte d'Allah. Donc la montagne elle-même se pulvériserait et s'écraserait par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ces exemples que nous donnons pour les hommes dans le but qu'ils réfléchissent. Ce sont des exemples que nous donnons aux hommes pour qu'ils réfléchissent. Donc hada kalamullah ta'ala Allah, hada kalamullah. Hada kalamun makhluq la, ta'ala Allah an dhalika 'uluwan kabira. Donc c'est pas une parole qui est créée, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite ولو ان قران ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى الخبر محذوف اي لكان هذا القران والله يقول سبحانه قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة يتحدى من يتحدى من يقول هذا القرآن ليس كلام الله فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا قول البشر كفر الله من قال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne à propos du Coran, à propos de sa révélation dans Surat Ar-Ra'd, le verset 31, s'il y avait un Coran à mettre les montagnes en marche, à fendre la terre ou à faire parler les morts, ce serait celui-ci. Et il dit que également dans le verset 88 dans Sourate Al-Isra, si les hommes, les djinns et les hommes se réunissaient pour essayer de ramener quelque chose de comparable ou de semblable à ce Coran, ils ne pourraient pas ramener rien de semblable, même s'ils cédaient tous les uns les autres. Même s'ils cédaient tous les uns les autres pour y arriver. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il les met au défi d'essayer de produire ce Coran, et de dire que ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils n'y arrivent pas, ils n'ont jamais été capables et ils ne seront jamais capables non plus. Il dit ensuite, il mentionne également la parole de ceux qui justement on dit que c'était la parole d'un homme dans Surat Al-Muddathir, le verset 24 et 25. Il dit, puis il dit ceci, c'est-à-dire le Coran n'est qu'une magie apprise, ce n'est là que la parole d'un humain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il déclare mécréant celui qui dit ceci n'est que de la sorcellerie, ceci n'est que la parole d'un humain. Qu'est-ce qu'il dit à propos de ceux qui prétendent cette parole ou qui disent ça? Il dit, je vais le brûler dans le feu intense, saqar. Et qui te dira ce qu'est saqar? Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Donc ça c'est la rétribution ou la destination de celui qui prétend que ce Coran est la parole d'un homme et non la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, فالله ينزل هذه الآيات العظيمة ليبين كذب هؤلاء وليثبت أن هذا كلامه. Juste pour revenir par rapport à tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant par rapport à ce sujet-là, on voit que ces sectes qui sont apparues parmi les premières sectes, au début de l'histoire de la Ummah, comme les Jahmiyyah, ils ont essayé d'attaquer le cœur de la foi islamique. Et justement la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala, puisqu'il nie ses noms et ses attributs. D'accord? Donc c'est comme si ce sont des sectes qui ont attaquer le cœur même de la croyance islamique en partant. Et on regarde par exemple qu'est-ce qu'ils disent lorsqu'ils prétendent que le Coran c'est pas la parole d'Allah ou que c'est créé ou des choses de ce genre. Qu'est-ce que ça implique si tu dis que le Coran est créé ou que la parole d'Allah est créée? Eh bien ça implique que qu'on va pas avoir envers ce Coran le respect. Hein, le même respect, et on ne va pas penser à devoir obéir à ce message et à cette parole de la même manière que si justement on croyait que c'est la parole d'Allah et qu'elle n'est pas créée. Et ceux qui justement aujourd'hui à notre époque critiquent l'islam, critiquent le Coran, critiquent la sunna, critiquent la charia d'Allah et ils appellent maintenant à toutes sortes d'autres idées, d'autres systèmes, comme la laïcité, les droits de l'homme, la démocratie et toutes ces choses-là, ils disent le Coran, c'est pas créé, c'est pas la parole d'Allah, c'est quelque chose qui est créé. Ils disent la même chose qu'est-ce que disait Sidi Jahmiya à l'époque. Hein? Parce que c'est pas possible que tu crois avec fermeté et conviction que le Coran est la parole d'Allah, et que c'est une parole qui est valable et qui s'applique à toute époque et partout dans le monde, puis que par la suite tu dis oui mais ça c'est pas applicable aujourd'hui, ou c'est quelque chose qui était applicable à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aujourd'hui on doit utiliser d'autres lois ou d'autres systèmes ou d'autres façons de vivre et non pas qu'est-ce qui est écrit dans le Coran. Comme si qu'est-ce qui était dans le Coran, c'était bon pour cette époque-là, l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, en 2015, non, ça c'est plus applicable et c'est plus valable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, le Coran, c'est pas la parole d'Allah. C'est la parole comme la parole d'un être humain, on peut la changer. On peut dire que ça s'appliquait pas. Ça s'applique pas aujourd'hui, ça s'appliquait avant, mais plus maintenant. Donc, ils ignorent ou ils rejettent le fait que cette parole, c'est une parole qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait le passé, il sait l'avenir, il sait toutes choses. Et il savait en révélant ce Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1400 ans et plus, il savait qu'est-ce qui allait se passer 2000 ans plus tard, 3000 ans plus tard, 4000 ans plus tard, et comment cette parole allait pouvoir s'appliquer dans l'avenir. Hein? Et c'est pour cette raison-là que ceux qui croient en le Coran, eh bien, ils savent que cette parole-là, elle est valable et applicable jusqu'à la fin des temps, et ils savent comment l'appliquer, parce qu'ils ont étudié cette religion, ils ont étudié ce Coran, ils ont étudié la science du Coran, et ils savent justement les règles qui s'appliquent pour justement extraire les verdicts de cette révélation-là et faire en sorte qu'elle soit applicable. Parce que, alhamdoulilah, Allah il a révélé sa parole et il a révélé également son explication et sa compréhension avec. Hein, dans la sunna et dans l'exemple des sahaba aussi. Donc il dit ensuite, فَاللَّهُ يُنَزِّلُ هَذِهِ الْآيَاتِ الْعَظِيمَ لِيُبَيِّنُ كَذِبَ هَؤُلَاءِ وَلِيُثْبِتْ أَنَّ هَذَا كَلَامَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى لهذا الكلام الذي تكلم به سبحانه وتعالى فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى والذي يقول إنه مخلوق كافر يعني يقول كفرا يخرجه من الملة وهذا مذهب السلف ومع الأسف المعتزلة قالوا بهذا القول والأشاعرة يمسكون بوسط العصا يقولون الكلام صفة ذاتية قائمة بذات الله عز وجل من غير حرف ولا صوت وهذا القرآن الذي عندنا الآن ليس كلام الله كلامه هو القائم بذاته أما هذا الذي عندنا الآن مخلوق وصرح بعضهم بأنه مخلوق فنعوذ بالله من الضلال ونعوذ بالله من الفتن. Donc Cheikh il explique ici que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé des grands versets pour expliquer le mensonge de ceux qui prétendent que le Coran est une parole d'un être humain. et pour confirmer et affirmer que c'est sa parole et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait que transmettre la parole d'Allah. Hein? Cette parole qu'il récite, c'est pas sa parole à lui, c'est pas la parole au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Parce que qu'est-ce que disent par exemple les juifs et les chrétiens? Les juifs et les chrétiens disent le Coran c'est la parole de Mohammed. Les juifs et les chrétiens disent c'est la parole de Mohammed. Et certains vont même parmi eux dire que il a copié la Bible. Il a pris des paroles dans la Bible et il les a traduites en arabe. Il a fait son propre livre. Hein? Ta'ala Allahu amma yaqulun. Donc non, c'est pas la parole de Mohammed. Le Coran, c'est pas la parole de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que transmettre cette parole. Il n'a fait que transmettre et dicter cette parole aux sahaba. Et les sahaba nous l'ont transmis aux tabi'in, et les tabi'in aux tabi'in, et ainsi de suite jusqu'à nos jours. Hein? Donc c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas la parole d'un être humain ou d'une créature. Donc celui qui prétend que le Coran est créé, alors c'est un kafir, c'est pas un croyant, c'est un mécréant. Et sa mécréance est de la catégorie de celle qui fait sortir de la religion. C'est-à-dire qu'en disant que le Coran est créé, il quitte l'islam, il devient mécréant. Et ça, c'est la position de tous les prédécesseurs parmi les salafs, yani les premiers musulmans. Et il dit, malheureusement, on voit même par la suite que les sectes, après les Jahmiya, comme les Mu'tazila et les Asha'ira, ils ont adopté cette position-là aussi. Les Mu'tazila ont été parmi ceux qui ont été d'accord avec les Jahmiya pour dire que le Coran est créé. Et les Asha'ira, eux aussi disent ça. Pourtant, quand tu regardes, par exemple, dans leur Aqida, dans les livres qu'ils ont écrits pour expliquer leur Aqida, et ils prétendent même être les représentants de Ahlus Sunnah wal Jama'a, la secte qu'on appelle les Asha'ira, ils prétendent eux être les représentants d'Ahlus Sunnah, et qu'ils disent que ce sont eux les sunnites, hein, souvent, et bien, il y en a dans leur livre de Aqida, qu'est-ce qu'ils enseignent par exemple à l'université de Al-Azhar ou Al-Qayrawan, ou bien dans d'autres universités, comme les universités des pays, comme par exemple Dar al-Uloum en Inde ou au Pakistan, ou autres, qui sont sur la même aqida que celle des Asha'ira, c'est la aqida des Maturidiyya, ils disent qu'ils croient en la parole d'Allah. Mais quand on lit les explications de leurs savants, et qu'est-ce qu'ils disent dans le livre, ils disent, quand on dit que Allah, on croit qu'il a la parole et que c'est une de ses attributs, eh bien, on distingue entre la parole qui est l'attribut intérieur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait partie de son être, et yani le Coran, qui est les lettres et les sons qu'on prononce et qu'on récite lorsqu'on lit dans le mushaf. Donc eux, ils disent, on sépare la signification et la lettre du Coran. Et ils disent, la lettre du Coran est créée, mais la signification, elle n'est pas créée, elle est éternelle. C'est ça qui est l'attribut d'Allah, c'est ça qui est la parole d'Allah, c'est la signification. Mais le texte lui-même, il est créé. Donc, ils ont adopté la même position que les Jahmiya et les Mu'tazila, de dire que le Coran est créé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé une ruse de séparer la parole d'Allah en deux catégories ou en deux sortes. De dire qu'il y a le sens et il y a la lettre. Et nous, on croit que le sens, c'est éternel, c'est la parole d'Allah. Mais la lettre, c'est pas la parole d'Allah. Hein? Et ça aussi, c'est non seulement c'est une bid'a, mais ça rentre également dans le kufr. Hein? Parce que la lettre et le sens, les deux sont la parole d'Allah. Hein? Et les deux, donc, sont la parole d'Allah. Quand tu lis le Coran, c'est des lettres. Hein? Et il y a des sons quand tu le prononces, ces lettres-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a prononcé ces mots-là et ces lettres-là, et qui les a révélés à Jibril, et Jibril qui les a révélés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est par l'intermédiaire de Jibril et transmis au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais à la base, c'est la parole d'Allah, pas la parole de Jibril ni la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est qu'est-ce qui nous montre en fait l'égarement de la position de ces sectes d'égarement qui ont dévié au sujet des noms et des attributs d'Allah. Hein? La position des Jahmiya, qui est la plus extrême, puis celle des Mu'tazila, qui vient par la suite, et celle des Asha'ira, qui prétendent croire ou affirmer la parole, mais qui par la suite disent la parole, c'est l'attribut intérieur, hein, qui est en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent que cette parole, elle n'est pas composée de lettres ni de sons. Et donc, pour eux, le Coran, ce n'est pas la parole d'Allah. La parole d'Allah, pour eux, c'est seulement la signification ou le sens de ce qui est dans le Coran. Et ça, c'est, pour eux, ça, c'est qu'est-ce qui est en Allah, subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas composé, soi-disant, de lettres ou de sons. C'est comme s'ils étaient en train de dire que, parce qu'ils appellent ça l'al-kalam nafsi, la parole intérieure d'Allah. Et en réalité, si tu traduis la parole intérieure, c'est quoi? C'est la pensée. Hein? Parce qu'une parole, c'est qu'est-ce que tu prononces. Une pensée, c'est pas une parole. Hein? Et il y a plein de preuves de ça. Même dans la sunna, il y a plein de preuves qui mentionnent ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas nous punir pour qu'est-ce qu'on pense ou pour des idées qu'on a, jusqu'à ce qu'on ne l'ait pas prononcé ou qu'on ne l'ait pas mis en pratique. Hein? Donc ça, c'est même une des preuves que les ulama ont utilisées contre les Asha'ira pour les réfuter. Et Naam. Même si c'est un péché, il ne va pas nous punir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il y a le verset dans Surat al-Baqarah à la fin qui dit, il y a un verset qui était révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui disait ça, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est ça, c'est le verset 84. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. C'est ça, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que vous manifestiez ce qui est en vous-même ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera des comptes. Les sahaba, quand ils ont entendu ce verset, ils sont venus voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, ô messager d'Allah, on a été capable d'appliquer toutes les choses qu'on nous a ordonné de faire jusqu'à maintenant. Mais ce verset-là, on n'est pas capable. C'est trop. Et même, qu'est-ce qu'on a en nous-mêmes, Allah, il va nous demander des comptes pour ça. Ils ont dit, ça, c'est pas possible. On ne sera pas capable. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, est-ce que vous allez dire la même chose que Bani Israël ont dit à Moussa, Sami'na wa Asayna, on entend et on désobéit. Il a dit, dites Sami'na wa Ata'na. Alors ils ont dit Sami'na wa Ata'na. Alors par miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre les deux autres versets qui suivent, c'est-à-dire le verset 285 et 286. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Et le verset qui suit par la suite, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'ala alqawmi alkafirin. C'est-à-dire, Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, et aussi les croyants. C'est-à-dire aussi les sahaba, hein, ils ont cru. Et tous ceux qui ont cru par la suite, ils croient en ça aussi. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en disant, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi. Donc pour dire que ils ont confirmé leur foi, hein, et ils ont accepté de se soumettre et d'accepter de dire nous entendons et nous avons obéi. Et yani, après dire Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit le verset suivant, Allah n'impose, c'est le dua qu'il nous a révélé, il dit Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité, elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, j'ai répondu, j'ai exaucé cette invocation-là. Et donc c'est pour dire qu'à cause de ça, à cause de l'acceptation des sahaba, de la foi qu'ils ont eue sincère en Allah, de se soumettre et d'accepter, de dire nous écoutons et nous obéissons, eh bien, yani, Allah ne va pas nous juger pour nos pensées mauvaise ou des choses qu'on a eues comme intention de faire, excepté si on le met en application ou si on le prononce ou on le dit. D'accord? Donc ça c'est une des preuves, mais sinon il y a même d'autres hadiths et des textes plus spécifiques même qui mentionnent ça. En ce qui est de la parole des Asha'ira et des paroles qu'ils ont mentionnées à propos du fait qu'ils disent que le Coran est créé, on le retrouve dans les livres, comme par exemple un de leurs références, le livre qui s'appelle Sharh Jawharat al-Tawhid. Et ça, c'est écrit par Al-Bajuri. C'est un de leurs livres qui enseignait yani, Al-Azhar. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils enseignent comme livre pour l'Aqidah Al-Azhar. Et ils enseignent dans ce livre l'Aqidah Ash'ariya, l'Aqidah de la secte Ash'ariya. Et ils disent dedans que le Coran est créé. Carrément comme ça. A'udhu billah. Donc il dit par exemple Al-Bajuri, وَعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ يُطْلَقُ عَلَى الْكَلَامِ النَّفْسِي الْقَدِيمِ بِمَعْنَى أَنَّهُ صِفَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَى على الكلام اللفظي بمعنى أنه خلقه وليس لأحد في أصل تركيبه كسب وعلى هذا يحمل قول السيدة عائشة ما بين دفتي المصحف كلام الله وقال أيضا وإطلاقه عليهما أي إطلاق الكلام على النفس واللفظ قيل بالاشتراك وقيل حقيقي في النفس مجاز في اللفظ وعلى كل من أنكر ما بين دفتي المصحف من أنكر أن ما بين دفتي المصحف كلام الله فقد كفر إلا أن يريد أنه ليس هو الصفة القائمة بذاته انتهى كلامه وقال أيضا قال السنوسي سينطر parmi les Asha'ira, un autre des gens qui ont propagé la aqida des Asha'ira, la secte des Asha'ira, il dit قال السنوسي وغيره من المتقدمين إن الألفاظ التي نقرأها تدل على الكلام القديم وهذا خلاف التحقيق لأن بعض مدلوله قديم وبعض مدلوله حادث وقال أيضا وقد أضيف له تعالى كلام لفظي كالقرآن فإنه كلام الله قطعا بمعنى أنه خلقه بمعنى أنه خلقه في اللوح المحفوظ يعني خلقه. إذ وقال أيضا شارحا قول ناظم الجوهرة فكل نص للحدوث دل احمل اللفظ الذي قد دل. وقوله على اللفظ أي على القرآن بمعنى اللفظ المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر صورة منه. والراجح أن المنزل اللفظ والمعنى، وقيل المنزل المعنى وعبر عنه جبريل بألفاظ من عنده، أعوذ بالله، وقيل المنزل المعنى وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ من عنده، أعوذ بالله. إذ ولكن التحقيق الأول، لأن الله خلقه أولا في اللوح المحفوظ ثم أنزله في الصحائف إلى السماء الدنيا في محل يقال له بيت العزة في ليلة القدر، ثم أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا بحسب الوقائع، انتهى كلامه. قال الباجوري ولكن يمتنع أن يقال الكلام مخلوق إلا في مقام التعليم كما سبق. Donc ça c'est des exemples de qu'est-ce qui se retrouve dans les livres des Asha'ira et comment ils disent que on doit pas dire que le Coran est créé excepté quand on enseigne à des étudiants, là on leur dit oui le Coran est créé dans le sens que il parle de la lettre, mais si c'est le sens c'est éternel. Et en tout cas tout ça c'est de la philosophie, il faut comprendre que ces sectes, ils ont dévié quand ils ont essayé d'interpréter la révélation en se basant sur la philosophie des Grecs et la métaphysique d'Aristote puis de ces trucs là Platon et etc. Donc quand ils ont essayé d'interpréter la parole d'Allah en se basant sur la parole des Grecs et les philosophes, ils sont sortis avec des trucs absurdes comme ça. Et ils ont dévié, et ils ont corrompu la religion, et ils sont tombés même dans la mécréance, yani, tellement ils ont dévié parfois. Donc c'est ça le danger. Yani. Et le cheikh il dit, « Al-Qur'an kalam Allah, wa nususun kathira tadullu ala annahu kalam Allah, wa anna kalam Allah, wa anna Allah yatakallamu mata sha' wa idha sha' innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. » وكلم الله موسى تكليما ومصدر مؤكد كلمه والكلام إذا جاء مؤكدا يرتفع احتمال المجاز ويرفع كل أنواع التشويهات أو التهويشات وكلم الله موسى تكليما وإذ نادى ربك موسى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. النداء لا يكون إلا بالكلام ويكون بالصوت. Donc le cheikh il donne des preuves encore du fait que Allah parle et qu'il a cet attribut. Il donne l'exemple, il dit que le Coran est la parole d'Allah et il y a beaucoup de textes dans le Coran qui mentionnent que c'est la parole d'Allah et que Allah parle quand il veut, et lorsqu'il veut. Et il mentionne le verset 82 qu'on a lu tout à l'heure dans sourate Yassin. Allah subhanahu wa ta'ala, son commandement, lorsqu'il veut quelque chose, il n'a qu'à dire soit et c'est. Le verset 164 dans sourate An-Nisa, dans lequel il dit et Allah a parlé à Moussa. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa. Taklima, yani de façon claire et certaine. Et kallama, ça c'est une forme en arabe dans les verbes. C'est une forme pour confirmer quelque chose. Kallama. Yani, pour dire, yani, avec plus de. Quand c'est quelque chose qui est, comme on dit, mu'akkad, ça veut dire qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Comme on dit. Non, quand on dit quelque chose en arabe, mu'akkad, il n'y a pas de. D'ihtimal. C'est-à-dire que la possibilité que ce soit allégorique ou symbolique, elle s'enlève lorsque quelque chose est confirmé ou lorsque quelque chose est répété plusieurs fois dans la même forme. Non, pas l'ambiguïté, c'est l'ihtimal, la probabilité ou la possibilité. Hein? Comme on dit par exemple, yahtamil kaza en arabe, yahtamil, ça veut dire ça pourrait être. Hein? Comme si tu dis telle chose, ça pourrait vouloir dire ça, ou ça pourrait vouloir dire autre chose. C'est ça, ihtimal. Que ça peut vouloir dire une chose ou l'autre. Mais lorsque quelque chose est confirmé et que ça se répète plusieurs fois dans plusieurs versets, ça veut dire que cette possibilité, elle est annulée. Pourquoi ? Parce que l'affaire est confirmée plusieurs fois et répétée plusieurs fois. Donc, c'est pas possible que ce soit symbolique ou allégorique, ou que ce soit pas dit dans le sens de la parole, dans le sens de la vraie parole, une parole réelle, non. Sinon, ce ne serait pas confirmé et répété tout le temps et à chaque fois de cette façon-là. Également, le verset dans Surat al-Shu'ara, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ton Seigneur appela Moussa. »« Nada, hein, wa idh nada rabbuka. » »« Nada » en arabe, ça vient du mot « nida ». Nida qui veut dire l'appel. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ et le jour où il va les appeler. Hein? C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va les appeler et va leur dire فَيَقُولُ يَقَالَ يَقُولُ le verbe dire, ça c'est une parole aussi. Hein? Le jour où il va les appeler et il va leur dire وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ. Donc c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il va les appeler et il va leur parler. Il va leur demander Aina shuraka'i, où sont mes partenaires que vous m'attribuez dans la vie d'ici-bas, en s'adressant aux idolâtres et aux mushrikins, ceux qui associent avec Allah dans l'adoration. Il va leur dire dans la vie d'ici-bas, vous adoriez des partenaires avec moi et vous prétendiez que ceux-là étaient mes partenaires. Où sont-ils aujourd'hui? Hein? Où sont mes partenaires? Et, bien entendu, ils ne pourront pas prouver ou ramener aucun des partenaires auxquels des partenaires qu'ils attribuent à Allah ou qu'ils adoraient avec Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala va les appeler et va leur demander ça. Où sont mes partenaires que vous prétendiez être mes partenaires auparavant? Et donc, al-nida, le fait d'appeler, ça c'est uniquement par la parole. Hein? Et c'est par une voix. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser à eux avec une voix et avec des mots qui sont composés par des lettres. Donc, qu'est-ce qui vient contredire la parole des Asha'ira qui prétendent que la parole d'Allah elle n'est pas composée de lettres et elle n'est pas composée d'une voix ou de son. Hein. Et ça, c'est totalement en contradiction avec les preuves de la Sharia. فكل هذه النصوص يكذبها من يقول بخلق القرآن أو يتأولها تأويلا فاسدا والعياذ بالله وهذا المدخل مدخل التأويل وهذا ويقول نحن ننزه الله عن كذا وكذا لأن الكلام عرض من الأعراض والله لا تقوم به الأعراض وكلام فارغ يعني وكلام فارغ ويزعمون أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن الاستواء وعن النزول وعن المجيء وعن الكلام قاتلهم الله هذا يعني هل هذا تنزيه لله تبارك وتعالى هذا تعطيل لله سبحانه وتعالى وتعطيل لكلامه لكماله سبحانه وتعالى. Donc certains d'entre les gens de bid'a, parmi les jahmiya, les mu'tazila, les sha'ira et ainsi de suite, quand ils disent, nous on dit que Allah, on ne croit pas que Allah parle ou on n'affirme pas la parole à Allah. Après, ils ramènent toutes sortes de suppositions et de raisons, d'excuses pour essayer de justifier pourquoi ils n'affirment pas la parole à Allah ou pourquoi ils n'affirment pas que Allah subhanahu wa ta'ala, que le Coran c'est sa parole. Ils disent, si on affirme que le Coran c'est la parole d'Allah, ça voudrait dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une bouche, des dents, un palais, une langue, des cordes vocales et toutes sortes de choses de ce genre. Donc, si on affirme ça à Allah, ça veut dire qu'on lui a attribué des membres ou on le fait ressembler à sa création. Donc, nous on dit, Subhanallah, comment vous pouvez ramener toutes ces suppositions ou toutes ces choses que vous avez imaginées dans votre esprit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais mentionné? Il n'a jamais mentionné ces choses-là. Donc comment vous pouvez le nier ou l'affirmer ou parler à propos d'Allah sans aucune science? Si Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il parle, ça veut dire qu'il parle. Comment est-ce qu'il parle? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est seul lui qui le sait. Mais est-ce que on a le droit de nier sa parole ou de dire qu'il ne parle pas parce qu'on imagine, on n'est pas capable d'imaginer ou de savoir comment il parle? Hein? Non. Donc on doit, notre devoir à nous en tant que croyants, hein, du fait qu'on est des musulmans et qu'on croit en Allah et qu'on croit au Coran et qu'on croit à la révélation, c'est d'affirmer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à propos de sa personne et d'affirmer ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à propos d'Allah et de s'arrêter à ça et de ne pas essayer d'imaginer ou de comprendre comment Allah subhanahu wa ta'ala est et comment sont ses attributs. Parce que le commun, il dépasse notre entendement, il dépasse notre compréhension. D'accord? Mais on doit savoir une chose, c'est que Allah, rien ne lui ressemble. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Donc, ça c'est une chose qui est certaine. Donc, de ramener toutes sortes de suppositions fausse et d'essayer de se baser là-dessus pour ramener les gens à nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est de l'égarement. Et c'est ça qui ramène les gens à la mécréance. Donc le cheikh il dit, tous ces textes qu'on a mentionnés, qui affirment que Allah parle et qu'il a l'attribut de la parole et que le Coran c'est sa parole, hein, ça vient démentir ce que prétendent ceux qui disent que le Coran est créé ou qui essaient de déformer le sens des versets et des attributs d'une manière corrompue. Wal'iyadhu billah. Et donc eux ils ramènent comme idée ou comme impression, ils essaient de faire croire aux gens que la raison pour laquelle ils nient les attributs d'Allah, c'est parce qu'ils veulent purifier Dieu de toute imperfection ou de tout défaut, hein? Donc ils disent non, nous on veut purifier Allah de toute imperfection ou de toute ressemblance avec sa création, donc on va ne pas affirmer, on veut pas affirmer la parole. Donc on va dire que Allah il ne parle pas, ou bien que le Coran c'est pas sa parole, parce que sinon ça impliquerait des choses fausses. Ça impliquerait que il a ça ou il a ça ou il a pas ça ou il a pas ça, et on a expliqué que tout ça c'est des choses totalement fausses. Naam. Il y a toutes sortes de théories qu'ils ont ramenées, des principes, des règles, soi-disant métaphysiques qu'ils ont ramenées pour essayer de justifier leurs idées. Et toutes ces idées, tous ces principes-là ou ces idées-là ne tiennent pas. Hein, ne tiennent pas. Ils disent par exemple la même chose à propos des autres attributs d'Allah, comme l'attribut du fait qu'Allah est au-dessus de son trône, l'attribut du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit, l'attribut du fait que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il vient pour juger les hommes au jour de la résurrection, eux ils nient ces attributs là ils disent non, si on affirme ça, ça implique ça. On dit non, ça n'implique pas du tout ça, puisque toute imperfection Allah en est purifié déjà à la base, puisque rien ne lui ressemble et qu'il est, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui et lui est semblable, et il le mentionne dans plusieurs versets. Et donc la seule chose qu'on doit faire en tant que croyant, et parce qu'on est musulman, c'est qu'on affirme qu'est-ce que Allah a révélé et on se soumet à qu'est-ce qu'il a révélé et on s'arrête là. Qu'est-ce qu'il a affirmé, on l'affirme. Qu'est-ce qu'il a nié, on le nie. Et qu'est-ce qu'il n'a pas mentionné du tout, on ne l'affirme pas et on ne le nie pas, hein? S'il a affirmé quelque chose, on l'affirme. S'il a nié quelque chose, on le nie. S'il n'a ni affirmé ni nié la chose, alors on s'abstient. On ne l'affirme pas et on ne le nie pas. On se tait. Hein? On se tait. Et on affirme qu'est-ce qu'il y a une signification qui est en accord avec la révélation. Si c'est le sens est en accord avec la révélation, on affirme le sens, mais on nie qu'est-ce qui est innové, qu'est-ce qui ne fait pas partie de la révélation. D'accord ? On a parlé de ça en détail dans d'autres cours. Donc, on pourrait y revenir une autre fois, Inch'Allah. Ensuite, le point numéro 30, le Cheikh, les deux imams, Abu Hatim et Abu Zur'a, ils disent « وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ مِمَّنْ يَفْهَمُ فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ شَكَّ فِي كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَوَقَفَ شَاكًا فِيهِ يَقُولُ لَا أَدْرِي مَخْلُوقٌ أَوْ غَيْرْ مَخْلُوقٌ فهو جهمي ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. Donc ça c'est pour clarifier encore plus qu'est-ce qu'on vient de mentionner par rapport à la parole d'Allah, les deux razi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, et celui qui doute en la mécréance de celui qui dit que le Coran est créé et qui comprend ce qu'il dit, il est kafir. Et vous voyez comment les deux imams sont très précis. Et ils évitent justement de vouloir faire le takfir de personnes de façon précipitée, hein, et de façon précipitée ou générale. Non, ils disent wa huwa yafham, c'est-à-dire il comprend qu'est-ce qu'il dit. C'est pas n'importe qui dit, par exemple, le Coran est créé, mais il comprend même pas de quoi il parle, c'est même pas qu'est-ce qu'il dit. Tu vas dire que t'es kafir. Non. Il faut que ce soit quelqu'un, quand il dit ça, il comprend qu'est-ce qu'il dit, il sait de quoi, il sait que qu'est-ce qu'il dit, c'est en contradiction avec, hein, la révélation. Et il comprend, il y en a de quoi il parle, il connaît le sujet. C'est pour ça que, les ulama, ils nous ont mentionné à ce sujet-là, l'imam Ahmed, par exemple, à l'époque, quand ils ont ramené la fitna de Khalq al-Qur'an, l'imam Ahmed, il a dit, si moi je disais votre parole, moi je serais... J'aurais dit à propos de moi-même que je suis kafir. Mais vous êtes des ignorants. Il ne les a pas déclarés kuffar. Hein? Et l'imam Ibn Taymiyyah, il a dit la même chose. Donc, il dit, quiconque doute en la mécréance de celui qui dit que le Coran est créé, alors qu'il comprend, alors il est kafir. Et celui qui doute, hein, celui qui doute en la parole d'Allah, Azza wa Jal, et qui s'arrête dans le doute, c'est-à-dire il dit je dis pas que je sais pas si c'est créé ou non créé, ils disent alors celui-là c'est un jahmi, il fait partie du jahmi, hein. Il dit, et celui qui s'arrête à propos du Coran par ignorance, hein, c'est-à-dire le premier par doute, il s'arrête parce qu'il a un doute, il veut pas dire créé ou non créé, hein, alors il dit celui-là s'il dit je sais pas, est-ce que c'est créé ou pas créé parce qu'il a un doute, il dit, dans ce cas-là, en réalité, c'est un jahmi. Mais il se cache. Ou il utilise cette ruse, il ne veut pas prendre une position claire, alors il dit, je ne sais pas, peut-être c'est créé ou pas créé, je ne suis pas sûr. Tandis que l'autre, qui est ignorant, il dit, je ne sais pas si c'est créé ou pas créé, il dit, on lui enseigne et on le déclare innovateur, mais on ne le déclare pas kafir. Et il dit, et celui qui dit, ce que je prononce du Coran est créé, c'est un jahmi. Il dit, celui qui dit ce que je prononce du Coran est créé, c'est un jahmi. Ou bien celui qui dit le Coran par ma prononciation est créé, c'est un jahmi aussi. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu prononces du Coran? C'est pas ta parole à toi, c'est la parole d'Allah. Ta voix, elle est créée, mais les lettres et les mots que tu prononces, c'est la parole d'Allah, c'est pas créé. Donc si tu dis ce que je prononce, ce que je prononce du Coran est créé, c'est comme si tu es en train de dire que le Coran est créé. Et ça c'est une des ruses encore que les Jahmiyyah ont ramené pour dire que le Coran est créé, mais de le dire d'une façon indirecte pour que les gens pensent que il parle de la voix. Alors qu'en réalité, il ne parle pas de la voix, il parle de qu'est-ce qu'on récite. Et qu'est-ce qu'on récite, c'est la parole d'Allah. Comme Aïcha radiallahu anha, elle a dit, radiallahu anha, kullu ma bayna daffatay al-mushaf fa huwa kalam Allah. C'est-à-dire tout ce qui est entre les deux couverts du mushaf, c'est la parole d'Allah. D'accord ? Donc, c'est-à-dire le texte de la langue arabe, c'est le Coran. Mais le papier et l'encre, ça s'est créé. C'est pas le papier et l'encre qui est la parole d'Allah. La parole d'Allah, c'est qu'est-ce qui est écrit. Hein? C'est qu'est-ce qui est écrit. Mais le matériel et l'outil ou le matériel sur lequel on a écrit la parole, ça s'est créé. D'accord? Donc il faut faire la différence entre les deux. Après, Cheikh Rabi, il explique. Puis c'est sûr qu'on n'a pas le temps de tout lire l'explication aujourd'hui, mais on va juste lire quelques parties, quelques points, puis on va s'arrêter pour faire la suite la prochaine fois, inshallah. Donc, Cheikh Rabi, il dit: Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa sahabatuhu al-kiram wa tabi'una lahum bi ihsan amanu bi anna al-Qur'an kalam Allah. أوحاه الله إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومن أعظم الدلالات على أنه كلام الله أن الله تحدى الجن والإنس أن يأتوا بمثله ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزت الجن والإنس أن يأتوا حتى بأقصر سورة من مثله فهذا من أعظم الأدلة أن هذا القرآن كلام الله تكلم به وكلامه من صفاته فالكلام من صفات الله والكلام من علم الله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم فسمى القرآن علما والذي يدعي أن علم الله مخلوق كافر كفره السلف. Donc le cheikh il dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam, de même que ses compagnons et les tabi'un, ceux qui ont étudié avec les compagnons, ils ont tous cru que le Coran est la parole d'Allah, que Allah a révélé cette parole à son serviteur et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les plus grandes preuves que c'est la parole d'Allah, c'est que Allah il a défié l'humanité et les djinns et les hommes de ramener quelque chose de semblable au Coran. Il leur a fait ce défi de ramener 10 sourates pareilles au Coran. Puis ensuite, il leur a donné le défi de ramener une sourate comme le Coran. Ils ont été incapables. Les djinns et les hommes, ils ont été incapables de ramener quelque chose de semblable. Et ensuite, il leur a même donné le défi de ramener la plus courte sourate dans le Coran. Ils ont été incapables de ramener quelque chose de semblable. Ça, c'est la preuve, une des plus grandes preuves, que ce Coran, c'est la parole d'Allah. Hein? Et que cette parole fait partie, sa parole fait partie de ses attributs. Donc, la parole d'Allah fait partie des attributs d'Allah. Et la parole d'Allah fait aussi partie de la science d'Allah. Et Allah, il mentionne, comme on a dit tout à l'heure, le verset 120 dans Surat Al-Baqarah, et si tu suivais leur passion après ce qui t'est parvenu de la science. Donc Allah a appelé le Coran une science. Donc celui qui prétend que la science d'Allah est créée, alors il est mécréant. Et les salafs, les pieux prédécesseurs, ont déclaré cela mécréant. Il dit: وقال الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما والله يتكلم متى شاء وكيف شاء كل مخلوقاته إنما تكون بكلامه وكل تشريعاته إنما تكون بكلامه فصفة الكلام عظيمة جدا وإنكارها ضلال وكفر والعياذ بالله. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 164 dans sourate An-Nisa, et Allah a certes parlé clairement à Moussa. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il parle donc quand il veut et comme il veut. Et toutes les créatures d'Allah ont été créées par sa parole Ces créatures sont créées uniquement par sa parole. Et toutes ces législations également viennent de sa parole. Donc, c'est un attribut d'Allah. Donc, l'attribut de la parole, c'est une des grandes attributs d'Allah. Et quiconque renie cet attribut-là, alors c'est clair que c'est de l'égarement et de la mécréance. Wal'iyadu billah. Ensuite, il dit Ahlul Kalam. والمعتزلة عندهم قواعد وهم يقولون بالمجاز لكن عندهم قواعد لنفي المجاز لكن عندما تأتي العقائد الصحيحة ينسون هذه العقائد فمثلا وكلم الله موسى تكليما المصدر مؤكد المصدر مؤكد لكلم التأكيد يرفع احتمال المجاز إذن قاعدة أن التوكيد يرفع احتمال المجاز تأتيهم بالنص يقولون لك هذا مجاز يحتمل كذا وكذا إذا جئت بمؤكد ضربتم إذا جئت بمؤكد ضربتم على نواصي على نواصيهم بقاعدتهم. Donc le cheikh dit que les gens de bid'a, comme les gens de kalam, les philosophes, les gens qui ramènent leur logique pour comprendre le Coran, qui ramènent la philosophie des Grecs pour comprendre le Coran, la secte des Mu'tazila, ils ont des règles, ils se sont inventés des règles pour interpréter le Coran, pour interpréter les attributs d'Allah. Et donc ils disent que tout ce qui est mentionné à propos d'Allah comme attribut, comme nom, ils disent ça c'est des choses symboliques, allégoriques, c'est pas réel, d'accord? Et ils ont inventé des règles aussi pour nier qu'est-ce qui est allégorique, parce que sinon on pourrait facilement prétendre que n'importe quoi est allégorique, hein? Quelqu'un par exemple, Allah il dit établissez la salat, tu dis non, la salat c'est allégorique, pas obligé de prier vraiment. Comme les Batiniyoun, les Ismaélites, les Druzes et ceux-là. C'est ce qu'ils disent. Ils disent non, la prière, c'est pas obligatoire, c'est allégorique. Quand Allah nous dit de prier, c'est pas réellement prier comme ça. Ils interprètent ça par autre chose. Donc, ils ont des règles, les Mu'tazila, pour dire que certaines choses, les attributs d'Allah, c'est allégorique. Puis ils ont d'autres règles pour dire, pour nier l'allégorie. Et parmi les règles qu'ils ont ramenées pour nier l'allégorie, eh bien, il y a l'exemple du fait qu'ils disent que si quelque chose est confirmé, et on a rajouté dans l'expression ou dans le verbe ou dans le mot quelque chose qui vient pour raffermer ou confirmer le verbe ou l'expression, dans ce cas-là, ils disent ça enlève la supposition de l'allégorie. Donc, le cheikh, il dit ici, il t'amène cette règle pour dire que c'est allégorique, tu peux les contredire par la règle qu'ils ont ramenée pour nier l'allégorie, du fait qu'il y a quelque chose qui vient confirmer la signification et pour prouver que c'est pas allégorique ou symbolique, mais que c'est réellement quelque chose de vrai, de réel, et que Allah parle réellement. Et le fait que, par exemple, il dit wa kallama, kallama, ça c'est ça vient confirmer. Et quand il dit takliman, kallama takliman, ça veut dire il n'y a pas de supposition, il n'y a pas de c'est parler, il a parlé réellement. Kallama takliman en arabe, ça c'est al maf'oul al mutlaq, alaysa kadhalik, alaysa kadhalik, la tadhkur درسنا هذه القواعد درسناها وكلم الله موسى تكليما ça c'est pour le tawkid, c'est pour confirmer. Et donc si tu dis darabtuhu darban, je l'ai frappé dur, tu répètes le même verbe ou le même mot, mais avec la forme comme on dit mansoub, ça c'est pour dire que l'affaire est réelle et c'est encore pour ajouter plus de force au verbe. Donc quand tu dis kallama, puis à la fin tu dis takliman, c'est comme pour dire il a parlé, puis il rajoute encore plus de force au verbe en disant takliman. Donc il n'y a pas de doute que c'était une vraie parole ici. Ce n'était pas symbolique, quelque chose d'allégorique. Hein, c'était une vraie parole. Donc il dit, si ces gens-là ils te ramènent des règles ou ils essaient de te dire que ça c'est symbolique ou allégorique, tu peux les frapper par la même règle qu'ils ont ramenée eux-mêmes pour les contredire. Donc on va s'arrêter ici, puis on continue ça, Inch'Allah, au prochain cours. Et on va aller plus en détail dans qu'est-ce que les deux imams ont dit ici dans ce sujet-là. Donc, tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, juste pour conclure, c'est que cette question-là, tous les imams des salafs, quand ils ont écrit une aqida, ils ont traité de ce sujet. Tu regardes dans l'aqida de l'imam Ahmad. Il parle de ce sujet-là. Il dit la même chose. Tu regardes dans les paroles de l'imam Al-Ajurri. Il parle de ce sujet-là. Il dit la même chose. L'imam Ibn Abi Asim, l'imam Al-Khalal, l'imam Abdullah Ibn Ahmad, il dit la même chose. L'imam Ibn Abi Daoud, il dit la même chose. Tous les grands imams d'Ahl-Sunnah, quand ils parlent de cette question et de ce sujet, et quand ils réfutent les Jahmiyyah et les Mu'tazila et les Ash'ara, ils disent tous ces principes-là et ces points-là. L'imam Muslim, l'imam Al-Bukhari, et tous les grands imams, Abu Daoud, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, tous ils parlent de ça et ils clarifient ces points-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est. Il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Et ces questions-là ont été clarifiées et tous les imams d'Ahl Sunnah al-Jama'a sont d'accord sur ça. D'accord? Et donc, il y a certains imams qui ont expliqué et élaboré en détail avec des arguments et des preuves et d'autres qui ont juste mentionné de façon résumée ces questions-là. Donc ici, c'est un des exemples des résumés. Le cheikh Rabi, hafizahullah, quand il explique, il ramène des preuves, il ne fait que mentionner les choses les plus connues, les plus claires, les exemples des preuves les plus connues. Mais il y a d'autres détails, si tu regardes dans les livres d'Aqida, comme par exemple le livre Aqidat al-Salaf, Ashab al-Hadith de l'imam al-Sabuni, ou bien celui de l'imam al-Ajurri, ou bien les autres livres comme Al-Ibana de l'imam Ibn Battah, ou bien Sharh Usul I'tiqad Ahl-Sunnah al-Jama'a de l'imam Al-Lalaka'i. Là, il va encore plus en détail. Et il ramène encore plus de citations et de preuves et d'exemples, et des versets et des hadiths. La même chose pour, par exemple, aussi le Sharh de l'Aqidah de l'imam Al-Barbahari, tout ça. Tous ces livres-là, ils parlent de ces questions-là. Et même si, par exemple, beaucoup de gens aujourd'hui pensent « Ah, mais ça, c'est des choses, des affaires anciennes à l'époque, des Mu'tazila et des Jahmiyyah, ça n'existe plus aujourd'hui. » C'est pas vrai que ça n'existe plus aujourd'hui. Ces choses-là sont enseignées, les Asha'ira, ils enseignent la Aqidah des Jahmiyyah, ils l'enseignent encore aujourd'hui dans les universités des pays arabes et des pays non-arabes. Dans plusieurs pays. Donc tu vas me dire que ça n'existe plus aujourd'hui, c'est pas vrai, ça existe encore. Et ils enseignent encore ces fausses croyances-là. Et ils apprennent aux gens que le Coran il est créé, que c'est pas la parole d'Allah, que c'est la parole que le Coran c'est la parole de Jibril, que le Coran c'est la parole de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont en train de dire la même chose que les chrétiens. Qu'est-ce que les chrétiens disent à propos de l'islam? Eux ils le disent au nom de l'islam. Yani, subhanallah. Donc, comment tu peux accepter ou tolérer ce genre de croyances fausses, que ce soit propagé dans les pays musulmans et que les gens commencent à enseigner ces choses-là maintenant dans les pays musulmans? Et en plus, ces gens-là, les Asha'ira, ils disent c'est nous qui représentons Ahl-Sunnah al-Jama'a. Hein? A'udhu billah, est-ce que les salafs, ils croyaient en ça? Non. jamais de la vie. Donc c'est pour ça que c'est important de bien connaître notre aqidah, de bien connaître les preuves qui supportent cette aqidah dans le Coran et dans la sunnah, et des paroles des sahaba et des tabi'in et des grands imams de l'islam, qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet de ces questions-là. Et une fois que tu as bien compris ça et que tu l'as bien appris, après tu restes avec une croyance ferme et solide, et tu ne te laisses pas facilement détourner de la vérité par rapport à ces sujets-là. Et juste pour terminer aussi, parce qu'à Montréal, il y a des gens qui appellent à la croyance des Jahmiyyah. Les Ahbash, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler des Ahbash, ben ça c'est une secte qui existe à Montréal. Et ils enseignent ces choses-là dans leur mosquée. La mosquée Salahuddin, sur Avenue du Parc. Hein? C'est les Ahbash, c'est la secte des Ahbash. Donc eux, ils enseignent cette aqidah-là hein, dans leur mosquée. Et également, il y a d'autres imams, parmi les imams de certaines mosquées à Montréal, qui ont étudié Al-Azhar et qui ont cette aqidah et qui l'enseignent. Mais ils l'enseignent pas à tout le monde, et pas publiquement. Ils l'enseignent seulement devant certaines personnes qui sont, et en est parmi, par exemple, proches d'eux ou qui sont leurs élèves. Parce que la aqidah des Asha'ira, elle est tellement compliquée, parce que c'est de la philosophie, qu'ils ne peuvent pas l'enseigner publiquement devant tout le monde. Si quelqu'un là, parmi les Asha'ira aujourd'hui, prend un livre de la Aqida Ash'ariya, il monte sur le mimbar un vendredi, puis commence à lire cette Aqida devant les gens vont, non seulement ils vont rien comprendre, mais ils vont dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu es en train de nous lire là, de la philosophie ou quoi. Donc les Asha'ira, ils ne peuvent pas enseigner leur Aqida ouvertement devant les gens. Et en plus, elle est en contradiction directe avec les textes du Coran et de la Sunna. Hein? Tu vois, ils disent, tu dois pas dire que le Coran est la parole d'Allah. Hein? Et tu dois pas dire qu'il est créé, excepté devant des élèves qui connaissent, à qui tu enseignes. Hein? Tu dois pas le dire devant le public en général. Hein? Parce que sinon ils vont voir que tu es en train de dire que le Coran est créé, que c'est pas la parole d'Allah, ça c'est du kufr. D'accord? Donc il faut bien faire attention à ça. On va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fikum baraka inshallah.